Tu nous connais, on a charbonné tout l'hiver. Le cœur blessé, on perd pas temps pour te livrer. J'ai toujours des frères en tôle que je dois délivrer. Tu nous connais, le charbon nous rémunère. Et puis rien ne sert de doux. T'es, t'inquiète, on t'en ramène à l'heure du goût. T'es, en val de fort l'ancien, c'est l'heure de doux. Blé. Là, je suis en moto, 230 cousins. Okomiko, c'est motus bouche cousue. Et on fait dodo, le calibre sous le coussin. Quand ça passe au vert, on a trop l'air gamé, assez souffert. Le terrain est open, ça laisse la porte ouverte. Et puis tu sais qu'on n'a pas tout fait. Y'a des produits d'enfer qui vont te faire tout. C'est appel de fort l'ancien, c'est l'heure de doubler. J'suis dans une auto, ça me regarde, ça m'élaguer. Là c'est le fuego, y'a des condés à la gare. Elle veut mon bigo, je crois que j'vais mettre un P. Police amène, on va trouver une issue. Elle veut s'en aller, yeah, yeah, yeah. Il faut la Bentley, ouais, ouais, ouais. C'est ma copilote, c'est ma copilote. C'est ma copilote, c'est ma copilote. Elle veut s'en aller, yeah, yeah, yeah. Il faut la Bentley, ouais, ouais, ouais. Copilote, copilote, copilote. Elle est en fer, ma copilote. Copilota, copilota, copilota. Elle est en ferme à copilote. Et viens, on s'en va loin d'ici. Si la police amène, on va trouver une issue. Elle veut s'en aller, yeah, yeah, yeah. Il faut la Bentley, ouais, ouais, ouais. C'est ma copilote, c'est ma copilote. C'est ma copilote, c'est ma copilote. Elle veut s'en aller. C'est ma copilote, c'est ma copilote. Elle veut s'en aller.